Vous dites que vous avez une affaire importante à régler, prince. Bon, mais répondez d'abord à ma question. Dites-moi de quoi vous pensez vivre. Je suis décidé à travailler. J'accepterai n'importe quel emploi, vous savez. Bien sûr, bien sûr. Mais avez-vous quelques aptitudes qui vous permettront de gagner votre vie? Non, je ne pense pas avoir d'aptitudes spéciales. Quant à gagner ma vie... Le général Yepanchin m'interrompit de nouveau. Il me demanda de lui parler de mes parents, de mon enfance. Je lui répondis que j'étais resté orphelin de bonheur et que j'avais passé mon enfance ainsi que mon adolescence à la campagne. Je me préparais à lui expliquer que ma santé avait exigé ces séjours, mais le général Yepanchin ne me laissa pas le temps de le faire. J'ai connu personnellement votre bienfaiteur, Feu Pavlitchev. Je me demande pourquoi il s'est intéressé à vous. Probablement à cause de l'amitié qu'il avait pour mon père. C'est possible, mais de là à vous placer chez de vieilles parentes à la campagne, à engager pour vous une gouvernante, puis un précepteur, ça me semble trop généreux, exceptionnel même, n'est-ce pas votre avis, prince? Je ne sais que vous répondre, général. Je ne pourrais pas vous donner les raisons qui ont poussé M. Pavlitchev à prendre soin de ma personne. De fréquents accès de maladie ont fait de moi une sorte de... d'idiot, voyez-vous. Oh, comment pouvez-vous vous qualifier d'idiot? Non, voyons, voyons, vous ne l'êtes pas. Tout au plus, bon, enfin, laissons ça. C'est encore M. Pavlitchev qui vous a envoyé en Suisse, n'est-ce pas? Oui, chez le professeur Schneider. Mm-hmm. Ce dernier s'occupe de maladies comme la mienne. 2 ans après mon arrivée en Suisse, M. Pavlitchev est mort, et cependant, le professeur Schneider m'a gardé et soigné. Et pourquoi êtes-vous revenu en Russie? Pour une affaire. Mais vous ne connaissez personne ici. Enfin, passons. Votre maladie vous empêche-t-elle d'occuper un emploi? Je ne le pense pas. Bon, vous connaissez certainement l'orthographe russe. Votre écriture est-elle bonne? On l'a dit excellente. Voulez-vous que je vous fasse un essai? Le général Yepanchin me fit un signe d'assentiment et se tourna vers son secrétaire Gabriel Ardalionitch. Gania, dit-il, donnez du papier au prince. Gania me tendit quelques feuilles et, tirant de sa serviette une photo de grand format, la montra au général Yepanchin. Tiens, la photo de Nastassia Philippovna, elle te l'a envoyée? Elle me l'a donnée tout à l'heure. Lui as-tu aussi offert ton portrait? Non, il ne me l'a pas demandé. Vous n'avez pas oublié, général, que Nastassia Philippovna fête ce soir ses 25 ans? Non, non, je ne l'ai pas oublié. Et sais-tu, toi, qu'elle a promis à Afanassy Ivanovitch Totski et à moi-même que ce soir, elle dira oui ou non? Vraiment? Ben, Nastassia Philippovna nous a donné sa parole. Elle t'épousera, va! Pourquoi fais-tu cette tête-là? Souvenez-vous, général, que Nastassia Philippovna m'a laissé pleine et entière liberté. Alors tu ne vas pas revenir sur ta parole? Non, je ne refuse pas d'épouser Nastassia Philippovna. Cependant... Mais maintenant, il ne s'agit plus de ton accord ou de ton refus, petit frère. Il s'agit de manifester ta joie lorsqu'elle dira oui. Que se passe-t-il chez toi? Que pourrait-il s'y passer? Mon père continue ses folies, ma mère pleure, ma sœur boude. En ce qui me concerne, je continue à ne pas comprendre les sentiments qui agitent ta mère, Nina Alexandrovna. L'autre jour, elle est venue me voir, elle s'est mise aussitôt à soupirer, à gémir. Il paraît que ton mariage avec Nastassia Philippovna est un déshonneur pour ta famille. Ma mère vous a dit cela? Elle a eu tort. Ben, je le pense bien. Qui pourrait reprocher quelque chose à Nastassia Philippovna? On l'a vu 2 ou 3 fois avec Monsieur Totski. Oui, bon. Et puis, écoute, Gania, tu ne dois pas t'occuper des ragots. Tout en calligraphiant ma page, je prêtais l'oreille à cette conversation. Et elle ne laissait pas de me surprendre. Lorsque j'ai fini, je m'approchai du général et, curieux, je jetai un coup d'œil sur la photographie de Nastassia Philippovna. Oh, comme elle est belle, Nastassia Philippovna. Vous la connaissez, Brosse? Non, non, mais j'ai déjà entendu parler d'elle. Et je racontai au général comment j'avais fait connaissance dans le train avec Parfen Rogojin et ce que ce dernier m'avait dit au sujet de Nastassia Philippovna. Encore une embûche sur notre chemin, Gania. Ce Rogojin est moins que rien, et son histoire de boucle d'oreille a bien fait rire Nastassia Philipovna. Mais maintenant, c'est un monsieur qui va posséder 1 250 000 roubles. Il peut s'imposer, exiger. Vous avez peur du million, général. Dites-moi, prince, selon vous, Rogojin est-il un homme sérieux ou un ossaire? Je ne pourrais pas vous répondre. Je crois seulement qu'il éprouve une grande passion pour Nastassia Philipovna. Écoute-moi bien, Gagne. Sois doux comme un mouton ce soir avec Nastassia Philipovna. Ne la contredis pas. Quoi? Tu souris? Tu es content peut-être que ce petit marchand Rogojin existe? Et tu vois là une échappatoire. Après tout, personne ne te force à épouser Nastassia Philipovna, tu sais. Dis un mot et tu es libre. Que voulez-vous que je fasse avec ma liberté? Je vous ai promis d'épouser Nastassia Philipovna, et je l'épouserai. Et ainsi, monsieur Totski, débarrassé de Nastassia Philipovna, pourra demander la main de votre fille. Le général Yepanchin feignit de ne pas entendre les dernières paroles de son secrétaire. L'air satisfait, il se tourna vers moi et jeta un coup d'œil sur la page que je venais d'écrire. Oh, vous n'êtes pas seulement un calligraphe, prince, vous êtes un artiste. Maintenant, je suis sûr de pouvoir vous trouver un emploi dans un bureau. Non, non, ne me remerciez pas, je serai très heureux de vous être utile. Ah, autre chose, prince, vous ne pouvez pas demeurer seul à Saint-Pétersbourg. La mère de Gabriel Ardalionitch loue 2 ou 3 chambres avec pension et service à des personnes qu'on lui recommande. Je me porterai garant de vous et j'espère que Nina Alexandrovna vous acceptera chez elle. En attendant que vous ayez votre emploi et que vous puissiez subvenir à vos besoins, je vous prêterai 25 roubles. Voilà. Ainsi, tout est réglé. Êtes-vous content, prince? Je vous remercie, général. Vous me traitez un homme de cœur. Votre attention me touche d'autant plus que je ne vous ai rien demandé. Oh, ben, il était de mon devoir de vous venir en aide, à vous qui dépourvu de toute ressource, ne saviez pas où poser votre tête. C'était bien votre cas, n'est-ce pas? À vrai dire, général, Parfen Rogojin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, m'avait invité chez lui. Rogojin? Ce petit marchand nasseur? Oh, voulez-vous un conseil paternel? Eh bien, prince, oubliez jusqu'à l'existence de monsieur Rogojin. Vous êtes vraiment bon, général. Je ne veux pas abuser de votre patience. Cependant, il faut que je vous entretienne d'une affaire très importante. Ah non, non, non, non, non, je n'ai plus une minute. Je m'en vais prévenir Elisabeth Prokofievna, ma femme, de votre arrivée. Si par bonheur elle voulait vous recevoir sur le champ, tâchez de lui plaire, car Elisabeth Prokofievna peut vous être utile. Très, très utile, prince. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Pierre Noël et Pierre Bertin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.